Cinq grandes odes de Paul Claudel. Deuxième ode. Argument. Le poète, dans la captivité des murs de Pékin, songe à la mer. Ivresse de l'eau qui est l'infini et la libération, mais l'esprit lui est supérieur encore en pénétration et en liberté. Élan vers le Dieu absolu qui seul nous libère du contingent, mais en cette vie nous sommes séparés de lui. Cependant il est là, quoique invisible, et nous sommes reliés à lui par cet élément fluide, esprit ou l'eau, dont toutes choses sont pénétrées. Vision de l'éternité dans la création transitoire, la voix qui est à la fois l'esprit et l'eau, l'élément plastique et la volonté qui s'impose à elle, est l'expression de cette union bienheureuse. L'esprit en toutes choses dégage l'eau, illumine et clarifie. Demande à Dieu d'être soi-même et dégagé de mortelles ténèbres. L'eau qui purifie quand elle jaillit à l'appel de Dieu, ce sont ses larmes qui sortent d'un cœur pénitent. Souvenir des erreurs passées. Tout est fini maintenant et le poète écoute dans un profond silence l'esprit de Dieu qui souffle et cette voix de la sagesse qui est adressée à tout homme. L'esprit et l'eau. Après le long silence fumant, après le grand silence civil de maint jour, tout fumant de rumeurs et de fumées, haleine de la terre en culture et ramage des grandes villes dorées, soudain l'esprit de nouveau, soudain le souffle de nouveau, soudain le coup sourd au cœur, soudain le mot donné, soudain le souffle de l'esprit, le rapt sec, soudain la possession de l'esprit. Comme quand dans le ciel plein de nuit, avant que ne claque le premier feu de foudre, soudain le vent de Zeus, dans un tourbillon plein de pailles et de poussière, avec la lessive de tout le village. Mon Dieu, qui au commencement avait séparé les eaux supérieures des eaux inférieures, et qui de nouveau avait séparé de ces eaux humides que je dis, l'aride comme un enfant divisé de l'abondant corps maternel, la terre bien chauffante, tendre feuillante et nourrie du lait de la pluie, et qui, dans le temps de la douleur comme au jour de la création, saisissez dans votre main toute puissante l'argile humaine et l'esprit de tous côtés vous gicle entre les doigts, de nouveau après les longues routes terrestres. Voici l'ode, voici que cette grande ode nouvelle vous est présente, non point comme une chose qui commence, mais peu à peu comme la mer qui était là, la mer de toutes les paroles humaines, avec la surface en divers endroits, reconnue par un souffle sous le brouillard et par l'œil de la matrone lune. Or, maintenant, près d'un palais couleur de souci, dans les arbres aux toits nombreux ombrageant un trône pourri, j'habite d'un vieux empire le décombre principal. Loin de la mer, libre et pure, au plus terre de la terre, je vis, jaune, où la terre même est l'élément qu'on respire, souillant immensément de sa substance l'air et l'eau, ici où convergent les canaux crasseux et les vieilles routes usées et les pistes des ânes et des chameaux, où l'empereur du sol foncier trace son sillon et lève les mains vers le ciel utile d'où vient le temps bon et mauvais. Et comme au jour de grain, le long des côtes, on voit les phares et les aiguilles de rochers tout enveloppés de brumes et d'écumes pulvérisées, c'est ainsi que dans le vieux vent de la terre, la cité carrée dresse ses retranchements et ses portes, et tâche ses portes colossales dans le vent jaune, trois fois trois portes, comme des éléphants, dans le vent de cendre et de poussière, dans le grand vent gris de la poudre qui fut Sodome et les empires d'Égypte et des Perses, et Paris et Tadmor et Babylone. Mais que m'importe à présent vos empires et tout ce qui meurt, et vous autres que j'ai laissé votre voix hideuse là-bas. Puisque je suis libre, que m'importe vos arrangements cruels, puisque moi du moins je suis libre, puisque j'ai trouvé, puisque moi du moins je suis dehors, puisque je n'ai plus ma place avec les choses créées, mais ma part avec ce qui les crée, l'esprit liquide et lascif. Est-ce que l'on bêche la mer? Est-ce que vous la fumez comme un carré de pois? Est-ce que vous lui choisissez sa rotation, de la luzerne ou du blé, ou des choux ou des betteraves jaunes ou pourpres? Mais elle est la vie même sans laquelle tout est mort. Ah, je veux dire la vie même sans laquelle tout est mort. La vie même et tout le reste me tue qui est mortel. Ah, je n'en ai pas assez. Je regarde la mer. Tout cela me remplit qui a faim. Mais ici, et où que je tourne le visage, et de cet autre côté, il y en a plus et encore, et là aussi, et toujours, et de même, et davantage. Toujours, cher cœur, pas à craindre que mes yeux l'épuisent. Ah, j'en ai assez de vos eaux buvables. Je ne veux pas de vos eaux arrangées, moissonnées par le soleil, passées au filtre et à l'alambic, distribuées par l'engin des monts, corruptibles, coulantes. Vos sources ne sont point des sources. L'élément même, la matière première, c'est la mer, je dis, qu'il me faut. Possédons la mer, éternelle et salée, la grande rose grise. Je lève un bras vers le paradis. Je m'avance vers la mer aux entrailles de raisin. Je me suis embarqué pour toujours. Je suis comme le vieux marin qui ne connaît plus la terre que par ses feux, les systèmes d'étoiles vertes ou rouges enseignés par la carte et le portulan. Un moment, sur le quai, parmi les balles et les tonneaux, les papiers chez le consul, une poignée de main au stevedore, et puis de nouveau la mare larguée, un coup de timbre aux machines, le breakwater que l'on double, et sous mes pieds, de nouveau, la dilatation de la houle. Ni le marin, ni le poisson qu'un autre poisson à manger entraîne, mais la chose même, et tout le tonneau et la veine vive, et l'eau même, et l'élément même. Je joue, je resplendis, je partage la liberté de la mer omniprésente. L'eau, toujours, s'en vient retrouver l'eau, composant une goutte unique. Si j'étais la mer, crucifiée par un milliard de bras sur ces deux continents, à plein ventre, ressentant l'attraction rude du ciel circulaire, avec le soleil immobile comme la mèche allumée sous la ventouse, connaissant ma propre quantité, c'est moi, je tire, j'appelle sur toutes mes racines, le Gange, le Mississippi, l'épaisse touffe de l'Orénoque, le long fil du Rhin, le Nil avec sa double vessie, et le lion nocturne buvant, et les marais, et les vases souterrains, et le cœur rond et plein des hommes qui durent leur instant. Pas la mer, mais je suis esprit, et comme l'eau de l'eau, l'esprit reconnaît l'esprit, l'esprit, le souffle secret, l'esprit créateur qui fait rire, l'esprit de vie et la grande haleine pneumatique. Le dégagement de l'esprit qui chatouille et qui enivre et qui fait rire. Oh, que cela est plus vif et agile, pas à craindre d'être laissé au sec. Loin que j'enfonce, je ne puis vaincre l'élasticité de l'abîme. Comme du fond de l'eau, on voit à la fois une douzaine de déesses aux beaux membres, verdâtres, montées dans une éruption de bulles d'air. Elles se jouent au lever du jour divin, dans la grande dentelle blanche, dans le feu jaune et froid, dans la mer gazeuse et pétillante. Quelle porte m'arrêterait? Quelle muraille? L'eau, eau d'or, l'eau, et moi, je suis plus qu'elle-même liquide. Comme elle dissout la terre et la pierre cimentée, j'ai partout des intelligences. L'eau qui a fait la terre la délie. L'esprit qui a fait la porte ouvre la serrure. Et qu'est-ce que l'eau inerte à côté de l'esprit, sa puissance auprès de son activité, la matière au prix de l'ouvrier? Je sens, je fleure, je débrouille, je dépiste, je respire avec un certain sens la chose, comment elle est faite. Et moi aussi, je suis plein d'un dieu, je suis plein d'ignorance et de génie. Ô forces à l'œuvre autour de moi, j'en sais faire autant que vous, je suis libre, je suis violent, je suis libre à votre manière que les professeurs n'entendent pas. Comme l'arbre au printemps nouveau chaque année invente, travaillé par son âme, le vert, le même qui est éternel, crée de rien sa feuille pointue. Moi, l'homme, je sais ce que je fais. De la poussée et de ce pouvoir même de naissance et de création, j'use, je suis maître, je suis au monde, j'exerce de toutes parts ma connaissance. Je connais toutes choses, et toutes choses se connaissent en moi. J'apporte à toutes choses sa délivrance. Par moi, aucune chose ne reste plus seule, mais je l'associe à une autre dans mon cœur. Ce n'est pas assez encore. Que m'importe la porte ouverte si je n'ai la clé, ma liberté si je n'en suis le propre maître. Je regarde toutes choses et voyez tous que je n'en suis pas l'esclave, mais le dominateur. Toute chose subit moins qu'elle n'impose, forçant que l'on s'arrange d'elle, tout être nouveau, une victoire sur les êtres qui étaient déjà. Et vous, qui êtes l'être parfait, vous n'avez pas empêché que je ne sois aussi. Vous voyez cet homme que je fais et cet être que je prends en vous. Ô mon Dieu, mon être soupire vers le vôtre. Délivrez-moi de moi-même. Délivrez l'être de la condition. Je suis libre. Délivrez-moi de la liberté. Je vois bien des manières de ne pas être, mais il n'y a qu'une manière seule d'être, qui est d'être en vous, qui est vous-même. L'eau appréhende l'eau. L'esprit odore l'essence. Mon Dieu, qui avait séparé les eaux inférieures des eaux supérieures, mon cœur gémit vers vous. Délivrez-moi de moi-même, parce que vous êtes. Qu'est-ce que cette liberté, et qu'ai-je à faire autre part? Il me faut vous soutenir. Mon Dieu, je vois le parfait homme sur la croix, parfait sur le parfait arbre. Votre Fils est le nôtre, en votre présence, et dans la nôtre, cloué par les pieds et les mains de quatre clous, le cœur rompu en deux, et les grandes eaux ont pénétré jusqu'à son cœur. Délivrez-moi du temps, et prenez mon cœur misérable. Prenez, mon Dieu, ce cœur qui bat. Mais je ne puis forcer en cette vie vers vous à cause de mon corps, et votre gloire est comme la résistance de l'eau salée. La superficie de votre lumière est invincible, et je ne puis trouver le défaut de vos éclatantes ténèbres. Vous êtes là, et je suis là, et vous m'empêchez de passer, et moi aussi je vous empêche de passer. Et vous êtes ma fin, et moi aussi je suis votre fin. Et comme le ver le plus chétif se sert du soleil pour vivre et de la machine des planètes, ainsi pas un souffle de ma vie que je ne prenne à votre éternité. Ma liberté est limitée par mon poste dans votre captivité et par mon ardente part au jeu, afin que, pas ce rayon de votre lumière, vie créante qui m'était destinée, n'échappe. Et je tends les mains à gauche et à droite, afin qu'aucune par moi, lacune dans la parfaite enceinte qui est de vos créatures, existe. Il n'y a pas besoin que je sois mort pour que vous viviez. Vous êtes en ce monde visible comme dans l'autre. Vous êtes ici. Vous êtes ici et je ne puis pas être autre part qu'avec vous. Que m'arrive-t-il? Car c'est comme si ce vieux monde était maintenant fermé. Comme jadis, lorsqu'à portée du ciel, la tête au-dessus du temple, la clé de voûte vint capter la forêt païenne. Ô mon Dieu, je le vois, la clé maintenant qui délivre, ce n'est point celle qui ouvre, mais celle qui ferme. Vous êtes ici, avec moi. Il est fermé par votre volonté comme par un mur, et par votre puissance comme par une très forte enceinte. Et voici que comme Ézéchiel autrefois, avec le roseau de sept coudées et demie, je pourrais, aux quatre points cardinaux, relever les quatre dimensions de la cité. Il est fermé, et voici soudain que toutes choses à mes yeux ont acquis la proportion et la distance. Voici que Jérusalem et Sion se sont embrassées comme deux sœurs, celle du ciel et l'exilé qui, dans le fleuve Kobar, lave le linge des sacrifices. Et que l'Église terrestre, vers sa consort royale, lève sa tête couronnée de tours. Salut donc, ô monde nouveau à mes yeux, ô monde maintenant total, ô credo entier des choses visibles et invisibles, je vous accepte avec un cœur catholique. Où que je tourne la tête, j'envisage l'immense octave de la création. Le monde s'ouvre et, si large qu'en soit l'empan, mon regard le traverse d'un bout à l'autre. J'ai pesé le soleil ainsi qu'un gros mouton que deux hommes forts suspendent à une perche entre leurs épaules. J'ai recensé l'armée des cieux et j'en ai dressé état depuis les grandes figures qui se penchent sur le vieillard océan jusqu'au feu le plus rare englouti dans le plus profond abîme, ainsi que le Pacifique bleu sombre où le baleinier épie les vents qu'un souffleur comme un duvet blanc. Vous êtes pris, et d'un bout du monde jusqu'à l'autre, autour de vous, j'ai tendu l'immense raie de ma connaissance. Comme la phrase qui prend au cuivre gagne les bois et progressivement envahit les profondeurs de l'orchestre, et comme les éruptions du soleil se répercutent sur la terre en crise d'eau et en rade marée, ainsi du plus grand ange qui vous voit jusqu'aux cailloux de la route, et d'un bout de votre création jusqu'à l'autre, il ne cesse point continuité, non plus que de l'âme au corps. Le mouvement ineffable des séraphins se propage aux neuf ordres des esprits, et voici le vent qui se lève à son tour sur la terre, le semeur, le moissonneur. Ainsi l'eau continue l'esprit, et le supporte, et l'alimente, et entre toutes vos créatures, jusqu'à vous, il y a comme un lien liquide. Je vous salue, ô monde libéral à mes yeux. Je comprends par quoi vous êtes présent, c'est que l'Éternel est avec vous, et qu'où est la créature, le Créateur ne l'a point quitté. Je suis en vous, et vous êtes à moi, et votre possession est la mienne. Et maintenant en nous, à la fin, éclate le commencement, éclate le jour nouveau, éclate dans la possession de la source, je ne sais quelle jeunesse angélique. Mon cœur ne bat plus le temps. C'est l'instrument de ma perdurance, et l'impérissable esprit envisage les choses passantes. Mais ai-je dit « passante » Voici qu'elle recommence. Et immortel, il n'y a plus de mort avec moi. Tout être, comme il est un ouvrage de l'éternité, c'est ainsi qu'il en est l'expression. Elle est présente, et toute chose présente se passe en elle. Ce n'est point le texte nu de la lumière. Voyez, tout est écrit d'un bout à l'autre. On peut recourir au détail le plus drôle, pas une syllabe qui manque. La terre, le ciel bleu, le fleuve avec ses bateaux et trois arbres soigneusement sur la rive, la feuille et l'insecte sur la feuille, cette pierre que je soupèse dans ma main, le village avec tous ces gens à deux yeux à la fois qui parlent, tissent, marchandent, font du feu, portent des fardeaux, complet comme un orchestre qui joue, tout cela est l'éternité, et la liberté de ne pas être lui est retirée. Je les vois avec les yeux du corps, je les produis dans mon cœur. Avec les yeux du corps, dans le paradis, je ne me servirai pas d'autres yeux que ceux-ci même. Est-ce qu'on dit que la mer a péri parce que l'autre vague, déjà, et la troisième, et la décumane, succède à celle-ci qui se résout triomphalement dans l'écume ? Elle est contenue dans ses rivages, et le monde dans ses limites. Rien ne se perd en ce lieu qui est fermé, et la liberté est contenue dans l'amour. Et bas, en toute chose, d'inventer l'approximation la plus exquise, toute beauté dans son insuffisance. Je ne vous vois pas, mais je suis continue avec ces êtres qui vous voient. On ne rend que ce que l'on a reçu, et comme toute chose de vous ont reçu l'être, dans le temps, elle restitue l'éternel. Et moi aussi, j'ai une voix, et j'écoute, et j'entends le bruit qu'elle fait. Et je fais l'eau avec ma voix, telle l'eau qui est l'eau pure, et parce qu'elle nourrit toutes choses se peignent en elle. Ainsi la voix, avec qui de vous je fais des mots éternels, je ne puis rien nommer que d'éternel. La feuille jaunit et le fruit tombe, mais la feuille dans mes vers ne périt pas, ni le fruit mûr, ni la rose entre les roses. Elle périt, mais son nom dans l'esprit qui est mon esprit ne périt plus. La voici qu'elle chapeautant. Et moi qui fais les choses éternelles avec ma voix, faites que je sois tout entier cette voix, une parole totalement intelligible. Libérez-moi de l'esclavage et du poids de cette matière inerte. Clarifiez-moi donc, dépouillez-moi de ces ténèbres exécrables, et faites que je sois enfin toute cette chose en moi obscurément désirée. Vivifiez-moi selon que l'air aspiré par votre machine fait briller notre intelligence comme une braise. Dieu qui avait soufflé sur le chaos, séparé le sec de l'humide sur la mer rouge, et elle s'est divisée devant Moïse et Aaron. Sur la terre mouillée, et voici l'homme, vous commandez de même à mes eaux. Vous avez mis dans mes narines le même esprit de création et de figure. Ce n'est point l'impur qui fermente, c'est le pur qui est semence de la vie. Qu'est-ce que l'eau que le besoin d'être liquide et parfaitement clair dans le soleil de Dieu, comme une goutte translucide? Que me parlez-vous de ce bleu de l'air que vous liquéfiez? Oh, que l'âme humaine est un plus précieux élixir! Si la rosée rutile dans le soleil, combien plus l'escarboucle humaine et l'âme substantielle dans le rayon intelligible. Dieu qui avait baptisé avec votre esprit le chaos et qui la veille de Pâques, exorcisé par la bouche de votre prêtre, la font païenne avec la lettre psi, vous ensemencez avec l'eau baptismale notre eau humaine, agile, glorieuse, impassible, impérissable. L'eau qui éclaire voit par notre œil et sonore entend par notre oreille et goûte par la bouche vermeille abreuvée de la sextuple source et colore notre chair et façonne notre corps plastique. Et comme la goutte séminale féconde la figure mathématique, départissant l'amorce foisonnante des éléments de son théorème, ainsi le corps de gloire désire sous le corps de boue et, la nuit, d'être dissoute dans la visibilité. Mon Dieu, ayez pitié de ces eaux désirantes. Mon Dieu, vous voyez que je ne suis pas seulement esprit, mais eau. Ayez pitié de ces eaux en moi qui meurent de soif. Et l'esprit est désirant, mais l'eau est la chose désirée. Oh mon Dieu, vous m'avez donné cette minute de lumière à voir, comme l'homme jeune pensant dans son jardin au mois d'août, qui voit par intervalle tout le ciel et la terre d'un seul coup, le monde d'un seul coup tout rempli par un grand coup de foudre dorée. Oh, fortes étoiles sublimes, et quels fruits entreaperçus dans le noir abîme! Ô flexion sacrée du long rameau de la petite ours! Je ne mourrai pas, mais je suis immortel, et tout meurt, mais je crois comme une lumière plus pure. Et comme ils font mort de la mort, de son extermination, je fais mon immortalité. Que je cesse entièrement d'être obscur, utilisez-moi, exprimez-moi dans votre main paternelle. Sortez enfin tout le soleil qu'il y a en moi et capacité de votre lumière, que je vous vois non plus avec les yeux seulement, mais avec tout mon corps et ma substance et la somme de ma quantité resplendissante et sonore. L'eau divisible qui fait la mesure de l'homme ne perd pas sa nature qui est d'être liquide et parfaitement pure, par quoi toutes choses se reflètent en elle. Comme ces eaux qui portèrent Dieu au commencement, ainsi ces eaux hypostatiques en nous ne cessent de le désirer. Il n'est désir que de lui seul, mais ce qu'il y a en moi de désirable n'est pas mûr. Que la nuit soit donc, en attendant mon partage, où lentement se compose de mon âme la goutte prête à tomber dans sa plus grande lourdeur. Laissez-moi vous faire une libation dans les ténèbres, comme la source montagnarde qui donne à boire à l'océan avec sa petite coquille. Mon Dieu, qui connaissez chaque homme avant qu'il ne naisse par son nom, souvenez-vous de moi alors que j'étais caché dans la fissure de la montagne, là où jaillissent les sources d'eau bouillante et de ma main sur la paroi colossale de marbre blanc. Ô mon Dieu, quand le jour s'éteint et que Lucifer tout seul apparaît à l'Orient, nos yeux seulement, ce ne sont pas nos yeux seulement. Notre cœur acclame l'étoile inextinguible. Nos yeux vers sa lumière, nos os vers l'éclat de cette goutte glorifiée. Mon Dieu, si vous avez placé cette rose dans le ciel, doué de tant de gloire, ce globule d'or dans le rayon de la lumière créée, combien plus l'homme immortel animé de l'éternelle intelligence. Ainsi la vigne sous ses grappes traînantes, ainsi l'arbre fruitier dans le jour de sa bénédiction, Ainsi, l'âme immortelle, à qui ce corps périssant ne suffit point. Si le corps exténué désire le vin, si le cœur adorant salue l'étoile retrouvée, combien plus à résoudre l'âme désirante ne vaut point l'autre âme humaine. Et moi aussi, je l'ai donc trouvé, à la fin, la mort qu'il me fallait. J'ai connu cette femme, j'ai connu l'amour de la femme, j'ai possédé l'interdiction, j'ai connu cette source de soif, j'ai voulu l'âme, la savoir, cette eau qui ne connaît point la mort, j'ai tenu entre mes bras l'astre humain. Ô ami, je ne suis pas un dieu, et mon âme, je ne puis te la partager, et tu ne peux me prendre, et me contenir, et me posséder. Et voici que, comme quelqu'un qui se détourne, tu m'as trahi. Tu n'es plus nulle part, ô Rose. Rose, je ne verrai plus votre visage en cette vie. Et me voici tout seul, au bord du torrent, la face contre terre, comme un pénitent au pied de la montagne de Dieu, les bras en croix dans le tonnerre de la voix rugissante. Voici les grandes larmes qui sortent. Et je suis là comme quelqu'un qui meurt et qui étouffe et qui a mal au cœur, et toute mon âme hors de moi jaillit comme un grand jet d'eau claire. Mon Dieu, je me vois et je me juge, et je n'ai plus aucun prix pour moi-même. Vous m'avez donné la vie, je vous la rends. Je préfère que vous repreniez tout. Je me vois enfin, et j'en ai désolation, et la douleur intérieure en moi ouvre tout comme un œil liquide. Ô mon Dieu, je ne veux plus rien, et je vous rends tout, et rien n'a plus de prix pour moi, et je ne vois plus que ma misère, et mon néant, et ma privation, et cela du moins est à moi. Maintenant jaillissent les sources profondes, jaillit mon âme salée, éclate en un grand cri la poche profonde de la pureté séminale. Maintenant, je me suis parfaitement clair, tout amèrement clair, il n'y a plus rien en moi qu'une parfaite privation de vous seul. Et maintenant, de nouveau, après le cours d'une année, comme le moissonneur Habacuc, que l'ange apporta à Daniel sans qu'il eût lâché l'anse de son panier, l'Esprit de Dieu m'a ravi tout d'un coup par-dessus le mur, et me voici dans ce pays inconnu. Où est le vent, maintenant? Où est la mer? Où la route qui m'a mené jusqu'ici? Où sont les hommes? Il n'y a plus rien que le ciel toujours pur. Où est l'ancienne tempête? Je prête l'oreille, il n'y a plus que cet arbre qui frémit. J'écoute, il n'y a plus que cette feuille insistante. Je sais que la lutte est finie. Je sais que la tempête est finie. Il y a eu le passé, mais il n'est plus. Je sens sur ma face un souffle plus froid. Voici de nouveau la présence, l'effrayante solitude, et soudain le souffle de nouveau sur ma face. Seigneur, ma vigne est en ma présence, et je vois que ma délivrance ne peut plus m'échapper. Celui qui connaît la délivrance, il se rit maintenant de tous les liens. Et qui comprendra le rire qu'il a dans son cœur? Il regarde toutes choses et rit. Seigneur, il fait bon pour nous en ce lieu que je ne retourne pas à la vue des hommes. Mon Dieu, dérobez-moi à la vue de tous les hommes, que je ne sois plus connu d'aucun d'eux. Et comme de l'étoile éternelle sa lumière, qu'il ne reste plus rien de moi que la voix seule. Le Verbe intelligible, et la parole exprimée, et la voix qui est l'esprit et l'eau. Frère, je ne puis vous donner mon cœur, mais où la matière ne sert point vaut, et va la parole subtile qui est moi-même avec une intelligence éternelle. Écoute, mon enfant, et incline vers moi la tête, et je te donnerai mon âme. Il y a bien des bruits dans le monde, et cependant l'amant au cœur déchiré entend seul au haut de l'arbre le frémissement de la feuille sibylline. Ainsi, entre les voix humaines, quelle est celle-ci qui n'est ni plus basse ni haute? Pourquoi donc seul l'entends-tu? Parce que seule soumise à une mesure divine, parce qu'elle est tout entière que mesure même, la mesure sainte, libre, toute puissante, créatrice. Ah, je le sens, l'esprit ne cesse point d'être porté sur les eaux. rien, mon frère, et toi-même, n'existe que par une proportion ineffable et le juste nombre sur les eaux infiniment divisibles. Écoute, mon enfant, et ne ferme point ton cœur, et accueille l'invasion de la voix raisonnable, en qui est la libération de l'eau et de l'esprit, par qui sont expliqués et résolus tous les liens. Ce n'est point la leçon d'un maître, ni le devoir qu'on donne à apprendre. C'est un aliment invisible, c'est la mesure qui est au-dessus de toute parole. C'est l'âme qui reçoit l'âme, et toutes choses en toi sont devenues claires. La voici donc au seuil de ma maison, la parole qui est comme une jeune fille éternelle. Ouvre la porte, et la sagesse de Dieu est devant toi comme une tour de gloire et comme une reine couronnée. Ô ami, je ne suis point un homme ni une femme, je suis l'amour qui est au-dessus de toute parole. Je vous salue, mon frère bien-aimé, ne me touchez point, ne cherche pas à prendre ma main. Pékin, 1906. Enregistré par Christiane Johan.